Document H, chapitre 14e, Paris, Université Dauphine, conférence de Viktor Ilitch Leonov sur Walter Hallstein. Je ne suis pas sur cette chaire en gourou ou en propagandiste, mais en éclaireur. Je souhaite que vous réfléchissiez à tout ce que vous allez entendre, à tout ce que vous avez entendu ou lu sous ma plume. C'est votre curiosité que je veux stimuler, et non pas susciter en vous une adhésion aveugle à mes recherches. Il est toujours payant de faire preuve de méfiance vis-à-vis des idées, de les surveiller. On n'est jamais trop prudent dans ce domaine. On gâche moins de choses en se défiant des idées qu'en leur accordant une confiance excessive. D'ailleurs, n'est-ce pas justement là, dans la méfiance face au prêt-à-penser et dans la dénonciation des horreurs qui peuvent discrètement sommeiller dans les discours les plus séduisants et qui semblent à première vue les plus incontestables, que réside l'élémentaire prudence de celui ou de celle qui veut regarder le monde tel qu'il est, non pas tel qu'on nous le présente généralement. Silence. Ce fut lors de la réunion stratégique qui eut lieu en 1944, hôtel de Maison Rouge à Strasbourg, au cœur du petit Anschluss alsacien, qu'un plan secret en trois temps fut élaboré pour édifier le Quatrième Reich. Le premier point imposait aux industriels de financer le parti nazi qui, dorénavant, devait exister dans la clandestinité. Le parti copia le modèle de l'extrême-gauche trotskiste qui s'était chargé d'un entrisme dans les principaux partis démocratiques de la Nouvelle-Allemagne voulu par les Américains ainsi que dans toutes les instances politiques et techniques du nouvel État. Le deuxième point exigeait que le gouvernement allemand alloue des crédits afin de créer un fonds sécurisé pour l'après-guerre. Les réserves financières existantes devaient être sanctuarisées en Suisse ou aux États-Unis pour pouvoir financer une reprise rapide de l'économie germanique et de la renaissance du parti le jour venu, sitôt la guerre finie. Le troisième point prévoyait que les grandes entreprises allemandes mettent en place un réseau d'agents dormants. Aucune sphère de la société ne devait leur échapper ou être négligée. Il s'agissait de maintenir une implantation au sein de toutes les branches de la société afin que puisse refleurir un jour le nazisme. Parmi les dignitaires nazis présents se trouvait Walter Hallstein. En septembre 1935, il voulut intégrer l'université de Rostock et lors de son serment d'entrée en fonction, il déclara solennellement « Pendant la période que j'ai passée en tant qu'assistant d'avocat, j'ai appartenu à l'association des assistants d'avocats du Reich. En tant que professeur, j'appartiens à l'association des universités allemandes du Reich. Je suis par ailleurs membre de l'association des juristes allemands nationaux socialistes, de l'association nationale socialiste des enseignants et des maîtres de conférences. » Une année après son entrée en fonction comme maître de conférences, disposant de tous ses quartiers de noblesse nazie, il fut titularisé par le chancelier de l'université de Rostock. Son histoire personnelle va très vite se voir indéfectiblement liée avec les visées du Führer concernant la constitution de son Reich, qui devait durer 1000 ans. Le 9 mai 1938, soit 3 ans plus tard, Adolf Hitler se rend à Rome pour rencontrer le duce italien Benito Mussolini afin de mettre sur pied un ordre nouveau pour l'Europe. Pour les nazis, une fois la guerre remportée, l'économie du continent devait être placée en coupe réglée par les firmes allemandes. Papier jauni affiché au rétroprojecteur, texte en allemand tapé à la machine. « Je tiens, » déclara Leonov avec gravité, tout particulièrement à remercier mon ami Marnix de Saint-Aldegonde, gouverneur de la Banque de Belgique, qui, il y a près de 20 ans, a exhumé des brumes de l'histoire ce texte qui est aussi fondamental pour la compréhension de l'histoire contemporaine que ne l'est celui de la pierre de Rosette pour l'égyptologie. À la fin de la guerre, précisa Leonov, Benning passa 5 ans dans un camp d'internement soviétique à Buchenwald. Les soldats de l'armée rouge avaient renversé les rôles. Les geôliers étaient devenus des détenus et les victimes des bourreaux. Une fois libéré, Benning occupa un siège au directoire de la Bank Deutscher Länder, devenue en 1958 la Bundesbank. En 1972, il laissa son siège à son plus doué disciple Helmut Schlesinger, qui occupa à son tour la présidence de la Bundesbank et organisa la mise sous tutelle politique de l'Europe, sous couvert de la bonne gestion nécessaire à la stabilité de l'euro. Aujourd'hui, précise alors Leonov devant son auditoire tout à l'écoute, la Banque Centrale Européenne, la BCE, n'est contrôlée ni par les députés européens, ni par la Commission européenne. Elle s'est arrangée pour que les institutions nationales jouissent de la même indépendance vis-à-vis de leurs parlements et gouvernements nationaux. Comme il est périlleux de constater la légitimité du suffrage universel dans un régime soi-disant démocratique, les Allemands ont appliqué le vieux principe du militaire du mouvement tournant par Sedan. Les instances démocratiques sont privées de pouvoir réel par un droit européen qui s'impose à tous et par des organes prétendument techniques qui limitent les marges du jeu politique. Les banques centrales prennent des décisions unilatérales qu'elles justifient par des notations indépendantes de sociétés américaines et laissent les politiques en assumer les conséquences devant leur opinion publique qui les sanctionnera à l'élection suivante pour mieux les rappeler à celle d'après. L'alternance des partis de gouvernement fournit en réalité un paratonnerre bien pratique à la vindicte populaire et laisse les banquiers dicter leurs lois sans être, eux, jamais inquiétés ou remis en cause. Le crime parfait, en somme. Jamais pris, jamais pendu. Mais commençons par le commencement. Le 9 mai 1938, les deux alliés de l'axe Rome-Berlin décidèrent de constituer une équipe de juristes et d'économistes pour imaginer les bases constitutionnelles et économiques de l'Europe nouvelle, visant à lier les peuples vaincus aux intérêts de leurs vainqueurs, tout en abandonnant les frontières au Nouveau Reich et à ses protectorats. Du 21 au 25 juin de cette année-là, ce fut Walter Hallstein qui représenta le gouvernement nazi pendant les négociations avec l'Italie fasciste pour la mise en place du cadre juridique de la Nouvelle Europe. Les constitutionnalistes travaillèrent près de 3 ans, et le document que vous voyez là est le préambule d'un texte de 20 pages rédigé par le trio Walter Hallstein, Bernhard Benning et Sergio Panunzio. En voici la traduction. Papier jauni affiché au rétroprojecteur, slide en français. L'Europe est bien plus qu'une simple dénomination géographique, articula-t-il. Sa fondation reflétera son pouvoir politique. Ses frontières coïncideront avec les limites d'un art de vivre et d'une civilisation. Le Führer lui-même a souligné que la définition géographique de l'Europe doit s'effacer devant celle des peuples et de la culture. La solidarité intellectuelle et politique constitue le critère décisif d'appartenance à l'ordre nouveau européen. Le seul objectif réaliste de la coopération économique doit être la constitution d'une communauté économique européenne. En matière d'économie politique, l'Europe ne doit pas se contenter d'être seulement un marché commun au sein d'une économie mondiale qui serait gouvernée par les lois dépassées de l'économie anglo-saxonne. L'Union européenne doit être organisée selon des critères politiques nouveaux et elle différera en conséquence des structures du passé. Diaporama d'une série d'affiches de propagande. Das neue Europa ist unschlagbar. La nouvelle Europe est invincible. Europa siegt ein Wohlstand. La victoire de l'Europe, c'est ton bien-être. Europa Freiheit, pour la liberté de l'Europe. Mais revenons à notre loup déguisé en agneau, continua Leonov, reprenant son rôle de conférencier. L'officier nazi Walter Hallstein fut fait prisonnier par les Alliés pendant la bataille de Normandie, non loin de Cherbourg. Affichage au rétroprojecteur d'un article du Daily Telegraph du 19 septembre 2000 rendant public les documents confidentiels du département d'État américain pendant les années 50 et 60. On retrouve Hallstein dans la liste des petits protégés des services secrets américains. D'ailleurs, Walter Hallstein deviendra le président du mouvement européen dont on sait maintenant, de façon certaine, que cette officine était et est toujours la franchise de la CIA sur le vieux continent. Fidèle au protocole Maison Rouge, Hallstein entra en politique à la fin de la guerre au sein de la CDU pour devenir rapidement le secrétaire d'État aux affaires étrangères du chancelier Konrad Adenauer en 1951. À ce poste, il élabora la doctrine Hallstein et négocia au nom de la République fédérale d'Allemagne les modalités de la construction européenne dont on lui demanda de jeter les bases. Comme dans la nature, rien ne se gagne, rien ne se perd, tout se transforme, Hallstein ressortit tous ses vieux dossiers préparés pour le Führer. Une partie de ses préconisations se retrouvèrent dans le traité de Rome, qu'il co-signa le 25 mars 1957 avec Adenauer. À l'un des responsables italiens qui avait travaillé avec lui dans les années sombres et qui était désormais en charge du protocole au Palais Chigi, siège de la présidence italienne, Hallstein déclara que c'était lui qui avait insisté pour que la signature ait lieu au Capitole, dans la salle des Horaces et des Curias, cœur du pouvoir des empereurs romains, là où déjà chacun se saluait bras tendus sous les aigles et les faisceaux. Il se flattait d'avoir réussi. Quel symbole, soit dit en passant, pour ce traité, victoire posthume du Führer et du Duce. La légende veut qu'après un clin d'œil appuyé à son homologue italien, Walter Hallstein, ait malicieusement murmuré « Finalement, nous, les nazis et les fascistes, nous sommes les dignes descendants d'Horace, battre en retraite, mais uniquement pour s'assurer de remporter la victoire finale. Ils n'y ont vu que du feu, les cons. » Suite à sa lecture de Tite-Live, Hallstein avait convaincu les autres dirigeants européens de venir dans cet endroit où, selon l'auteur latin, s'était déroulé un combat mythique au cours duquel un guerrier à lui seul, par sa force et par sa ruse, avait réussi à sauver Rome, lui assurant le contrôle du Latium, première pierre de sa domination mondiale. Sous le règne de Tullius Hostilius, une guerre fratricide avait opposé les habitants d'Albe et ceux de Rome pour établir laquelle de ces deux villes étendrait son empire sur tout le Latium. Pour mettre fin à ce conflit qui ne pouvait que causer la ruine conjointe des deux cités s'il s'éternisait, les chefs des deux peuples se lancèrent un défi. Trois frères défendraient chaque camp, les Horace pour Rome et les Curias pour Albe. Le dernier vivant l'emporterait pour sa patrie. Hallstein avait lui aussi, à cette époque, relu avec délectation leur histoire avant de pénétrer dans le Saint des Saints où allait être signé le traité de Rome qui, de facto, remettait, 12 ans après la réunion de Maison Rouge, l'Allemagne au centre de l'échiquier politique européen. Au cœur de la mêlée, poursuivit-il, les trois Albains furent blessés. Deux Romains mourants tombèrent l'un sur l'autre. Leur chute fit pousser des cris de joie à l'armée albaine. Les légions tremblaient pour leur unique champion encerclé par les trois Curias. Le dernier Horace était indemne. Faible face à ses adversaires réunis, il restait redoutable pour chacun pris à part. Afin de les combattre séparément, le Romain simula la retraite. Il se disait que chaque Albin blessé le poursuivrait et s'écarterait des deux autres. Quand il fut à bonne distance du champ de bataille, Horace se retourna et vit chaque Curias isolé. Le premier n'était pas loin. Il le vainquit. Il gagna ensuite son combat contre le deuxième et se porta à hauteur du troisième sous les acclamations des Romains. L'espoir changeait de camp. Alors s'engagea un combat à armes égales. Romain survivant contre Albin survivant. Horace, deux fois vainqueur, marchait vers son dernier combat. Curias s'y traînait, épuisé. L'Albin ne put éviter l'épée que le Romain lui plongea profondément dans la gorge, avant de l'achever, une fois au sol. Musique, en fond sonore, Horst Wessellied. C'est la version instrumentale de l'hymne du parti nazi que vous entendez. Je fais circuler le texte de la dernière strophe. Je tiens à la disposition de ceux qui le désirent les autres couplets de ce chant patriotique, apprécié par Walter Hallstein, qui sera intronisé, en grande pompe, premier président de la Commission européenne, c'est-à-dire, si on suit sa logique, premier chancelier du Quatrième Reich. Il le fut de 1958 à 1967. C'est presque aussi longtemps que votre grand eurocrate Jacques Delors. Pendant la durée de sa commission, Hallstein mit un point d'honneur à peaufiner le deuxième volet du protocole de Maison Rouge. L'Europe allemande via une Europe fédérale des régions et des minorités. Là encore, il s'agissait de faire du neuf avec du vieux, puisque les Allemands avaient prévu de démembrer la France. Dans l'Europe raciale du Troisième Reich, il n'était pas concevable que perdure un pays, résultat d'une histoire, mêlant artificiellement des Celtes aux Germains en passant par des Occitans, des Catalans ou des Ch'tis. La France aurait laissé place à la braise à la pointe ouest, le drapeau breton actuel, le Guenadu, étant d'ailleurs un héritage de la Bretagne fascisante. Le Midi serait devenu l'Occitania délestée de ses terres basques, catalanes et de la Savoie indépendante sous protectorat italien. Le roi d'Italie et toute sa dynastie n'étaient-ils pas savoyards? L'Alsace-Moselle aurait renoué à jamais avec ses origines germaniques en constituant le Mosseland, la marche ouest du Reich. Il ne subsisterait de la France qu'une grosse moitié nord habitée par les Gaulois de Belgique, qu'on nomme d'ailleurs les Wallons. Faute d'avoir pu imposer l'Europe raciale, Walter Hallstein et ses sbires prirent le parti de contourner le problème en proposant d'instaurer les langues régionales, de les protéger et de mettre en place une Europe des régions. Il installait une redoutable bombe à retardement en exposant les pays d'Europe, dans un avenir proche, à la résurgence, voire à l'apparition de mouvements autonomistes ou indépendantistes. L'Angleterre, face au désir de réunification de l'Irlande, aux appétits de l'Écosse, l'Espagne, livrée au terrorisme basque ou à la volonté émancipatrice de la Catalogne, l'Italie, soumise aux tensions de la riche Padanie au nord, pressée de se défaire du sud mafieux et indolent, la Belgique écartelée entre flamands et wallons. Quant au monstre français et son état-nation, il imploserait de toutes parts, de la Bretagne à la Corse. Bref, l'Europe des régions pouvait être habilement utilisée pour faire trembler les États. L'Allemagne seule serait à l'abri. Elle était coupée en deux. Il faudrait bien qu'un jour la Germanie retrouve son unité. À vrai dire, le seul risque pour l'avenir était que, suivant le tracé des langues, on en vienne à ambitionner un nouvel Anschluss avec l'Autriche voisine, mère patrie du Führer. Échange avec l'auditoire. Une jeune femme. Monsieur le professeur, est-ce que les Américains ont conscience de leur alliance objective avec les néo-nazis ? Victor Leonov. Je pense, mademoiselle, que les Américains, en recyclant du nazi massivement, comme jadis Al Capone le fit dans ses blanchisseries avec l'argent provenant de la vente d'alcool au temps de la Prohibition, et en laissant ces gens prendre des postes stratégiques dans l'après-guerre, je pense que les Américains ont introduit durablement le vert de gris dans leurs propres fruits. Murmure dans l'auditoire. N'oubliez pas que si lors de la Première Guerre mondiale, les États-Unis attendirent que le Lusitania soit coulé par les Allemands, c'est que la majorité des Américains blancs sont des descendants de Germains et de Scandinaves, bien plus que d'Anglais. Nouveau murmure. Ils ne voyaient pas d'un bon œil l'entrée de leur nouvelle patrie contre celle de leurs ancêtres. Sur ce terreau fertile, qui avait vu l'apogée du Ku Klux Klan dans les années 20 et de ses 5 millions de racistes, les nazis ont pu travailler la société américaine en profondeur. La haine du slave et le mépris du français ne sont que la déclinaison des théories suprématistes des WASP, ces blancs, anglo-saxons, protestants, qui estiment être les légitimes propriétaires de l'Amérique et les maîtres du monde. Un monsieur. Ne versez-vous pas dans l'anti-américanisme primaire ? Victor Leonov, finement. Tel n'est pas mon propos. Même si je dénonce en complaisance certains cercles du KKK qui perpétuent le folklore d'antan en continuant à arborer le port de cagoule et de tenues de pénitent au cours de cérémonies de croix brûlée. Car la plupart des branches clanistes se sont transformées en organisations néo-nazies pures et dures. Il parle lentement en détachant chaque mot. Ces groupuscules prônent ouvertement la violence armée contre les Noirs et les Juifs, mais aussi les Latinos et les Catholiques, bref, contre tout ce qui, dans leur nomenclature, ressemble de près ou de loin à un ennemi héréditaire. Dans les États où liberté rime avec complaisance, ces mouvements d'extrême droite, légalement reconnus, prennent la forme de milices. Une dame, surprise. Mais l'on n'entend que très peu parler de cette face sombre des États-Unis que vous décrivez, ici en Europe. Victor Leonov, résigné. Les activistes de l'extrême droite américaine vivent souvent retirés du monde, au sein de sectes survivalistes, dans des propriétés privées transformées en véritables camps retranchés. On entend parler d'eux lors des attentats ou des massacres collectifs, comme à Waco, au Texas. C'est dans l'un de ces ranchs fortifiés que vint par exemple Tim McVeigh, l'auteur du massacre d'Oklahoma City, le 19 avril 1995, pour célébrer l'anniversaire du Führer Adolf Hitler. Ce terroriste d'extrême droite fit exploser un bâtiment fédéral, provoquant la mort de 168 innocents. Officiellement, Tim McVeigh a agi seul. Rappelez-vous, on nous avait déjà servi cela pour le meurtre de Kennedy, à propos de Lee Harvey Oswald. Il me paraît évident que McVeigh, pour avoir été aussi bien entraîné et aussi lourdement armé en explosifs, devait nécessairement appartenir à une cellule idéologique dont il était l'exécuteur. Un jeune homme, des trémolos dans la voix. Le fait est qu'il s'en soit pris à l'État ne prouve-t-il pas que votre théorie d'une administration gangrénée par le nazisme ne soit pas qu'une simple théorie ? Victor Leonov. Cela ne la contredit pas plus que l'examen minutieux de la mort de Kennedy face à la version officielle. Un pays où l'on peut faire exécuter son président par ses propres services secrets en cheville avec la mafia est capable de tout, comme de laisser couler une partie de sa flotte à Pearl Harbor pour justifier une entrée en guerre refusée par le peuple, ou de déclencher une guerre pétrolière en Irak sous le prétexte fallacieux qu'un pays exsangue détiendrait des armes de destruction massive. Un grand blond. Mais ce pays a tout de même élu Barack Obama, un président afro-américain, monsieur. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas en France que l'on verrait cela. Victor Leonov. Prenez cette élection comme une oasis au milieu d'un désert. Mais parfois l'oasis elle-même n'est qu'un mirage. N'oublions pas que dans les grandes entreprises américaines, qui ne veulent pas être accusées de racisme ou de discrimination, se pratique le showcase job, le poste vitrine. Ce dispositif vise à mettre en avant des membres des minorités visibles à des postes importants, souvent médiatisés. Mais derrière ce paravent, la vérité est que la pente démographique inquiète obsessionnellement une part de plus en plus grande de la population blanche américaine. Sachez, monsieur, que les Blancs, en 2050, seront une minorité parmi les autres minorités. Si le sujet vous passionne et que vous voulez mesurer l'étendue de la question, je vous invite à lire les carnets de Turner, vendus à plus de 500 000 exemplaires aux États-Unis. C'est un roman de politique fiction à visée messianique et apocalyptique d'un certain William L. Peirce. Rédigé comme un manuel de survie, il vise à lutter contre l'invasion étrangère du territoire américain, organisée, selon son auteur, à partir de New York, par le pouvoir occulte des Juifs, le Zionist Occupation Government, ZOG. C'est un ouvrage de référence pour l'endoctrinement et le formatage de la jeunesse. En 1974, Peirce, figure de l'extrême droite américaine, a fondé l'Alliance nationale, un groupuscule nationaliste ouvertement néo-nazi, toujours actif. Son objet est à lui seul tout un programme, défendre la race blanche. Une étudiante. « Pouvez-vous nous en dire quelques mots, monsieur le professeur ?» Victor Leonov, sursautant. « L'histoire est simple. Earl Turner, le héros narrateur, est un résistant blanc dans un pays présenté comme totalement perverti et rongé par le multiculturalisme. Turner, ingénieur électricien sans histoire, se décide un jour à prendre les armes contre le gouvernement américain vendu au cosmopolitisme. C'est sa haine de l'oligarchie et de la démocratie qui est le moteur de sa croisade contre les ennemis désignés de l'Amérique blanche, les progressistes, les Noirs et les Juifs. Cette guerre ethnique de Earl Turner nous est relatée par le menu dans son journal intime. Je vous remercie pour vos questions. Bonne soirée. Victor Ilitch Leonov, conférence, extrait.